Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec DS Active Scan Suspension, suspension révolutionnaire pilotée par caméra, DS Night Vision, vision de nuit par infrarouge, et DS Connected Pilot ouvrant la voie à la conduite semi-autonome, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Plus d'informations sur dsautomobile.fr. Eh oui, c'est l'heure, à 5h55, de retrouver Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 9 mai 1927. Exactement, et ce jour-là, le journal La Presse annonce en une l'exploit de deux aviateurs, Charles Ningesser et François Colly. Ils ont décollé la veille pour une traversée de l'Atlantique dans le sens France-Amérique. Mais, disons-le, le journal s'est réjoui trop tôt. Les deux pionniers de l'aviation, en vérité, ne sont pas arrivés à New York. Ils sont bientôt portés disparus. Alors, que s'est-il passé ? Pour tout vous dire, on n'en sait rien. Ningesser était un pilote chevronné, un héros de la Première Guerre mondiale. Quant à Colly, il était aussi pilote expérimenté. Il avait accompli deux traversées de la Méditerranée. Les deux se sont donc associés au constructeur Levasseur pour concevoir un avion, le fameux oiseau blanc. Tout est étudié pour un vol à haut risque. À l'époque, c'est une prouesse à laquelle il s'attaque, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet avion ? C'est un biplan, d'abord, doté d'un fuselage marin, sa forme offrant la possibilité d'amerrir comme un hydravion. Particularité qui, d'ailleurs, permet de larguer le train d'atterrissage une fois en l'air pour alléger l'appareil et donc de charger davantage de carburant. L'oiseau blanc décolle le 8 mai du Bourget. Il est aperçu un peu partout, dans le ciel normand, en Irlande. D'autres témoins affirment l'avoir vu à Terre-Neuve et à Long Island. Seulement, l'avion ne se posera jamais comme c'était prévu face à la Statue de la Liberté, où une foule s'était pourtant réunie ce 9 mai 27. Aujourd'hui, on ignore encore ce qui a bien pu se passer. Alors, on leur doit beaucoup, hein, à tous ces pionniers de la traversée. Oui, ils ont contribué au développement de l'aviation, il faut le dire. Mm-hmm. On pense à Lindbergh, bien sûr, qui lui va relever le défi deux semaines plus tard avec succès. De nos jours, nous avons Bertrand Piccard. Hein, avec son Solar Impulse, etc. On vous retrouve tout à l'heure, Franck, oui, 14h sur Europe 1. Pour une heure consacrée à l'un des grands ministres, premier ministre de Louis XV, le cardinal de Fleury. Et puis pour les retardataires, évidemment, il y a le podcast Aujourd'hui dans l'Histoire. On vous retrouve sur Europe 1.fr.